tu t'entraînes à faire du tir sur cible et tu fais beaucoup de bruit. Boum, boum, boum. Bip, bip. Je vais te dire pourquoi tu crois jouer à tir boum boum. Oui.